Ouais, ravi. Et donc on va pouvoir parler en français. Bah tout d'abord, félicitations hein, pour votre travail créatif et puis la réaction qu'il suscite dans le monde entier. Ça doit être un magnifique sentiment. Merci. Ouais, ça va. C'est disons que ça aide à finir, quoi. Ouais. Oui. En même temps, j'imagine que ça met un peu de pression. Ouais. Bah, c'est un peu dur quand même. Hein. La prod est pas du tout facile. C'est vraiment un petit budget, donc on est une toute petite équipe là. En ce moment, on n'est plus que 20, je crois. Ouais, à peu près. Donc c'est quand même assez dur. Après, ouais, c'est cool de voir les retours et surtout les retours joueurs sont assez encourageants en fait. Ils sont assez personnel et engagé et tout ça, du coup ça fait plaisir quoi. Enfin, c'est Ouais. aussi pour ça qu'on a fait le jeu, c'est pour avoir ce genre de retour, donc du coup c'est cool de voir que ça parle aux ados, enfin à plein de gens aussi, pas que les ados, mais en tout cas que ces problématiques dont on parle un petit peu les touchent et voilà, donc Bien ça sûr. c'est cool. Bah, surtout que Alors. c'était un petit peu un pari au début ce jeu quand même sur voilà, c'était le jeu qu'on avait envie de faire, mais on n'était pas sûr à 100% voilà de forcément trouver un public, d'avoir on n'avait pas du tout fait, on n'a pas fait ce jeu du tout en pensant à une étude marketing ou quoi que ce soit. On a vraiment parlé des thèmes dont on avait envie de parler, raconté l'histoire qu'on voulait raconter, en oubliant un petit peu justement la pression marketing avec tous les codes de ce qu'il faudrait faire, soi-disant parfaitement pour toucher un public. Et le fait de voir justement qu'un jeu quand même un petit peu différent comme Life is Strange trouve un public qui réagit, qui adore les personnages, qui réagit aussi bien que le public qu'on a, bah ça nous fait super plaisir. Et comme dit Raoul, heureusement, ça nous motive pour le terminer, quoi. Alors, c'est intéressant parce que je réagis sur ce que vous venez de dire et je pense que c'est tout à fait vrai. Hein, je remets pas du tout en cause ce que vous voulez dire, mais en même temps, je me dis il y a une forme d'intuition marketing peut-être inconsciente qui est que souvent ce qui déçoit. Non, moi, je suis pas un gamer, mais bon, j'ai un tout petit peu d'expérience. Souvent, ce qui peut décevoir dans les jeux vidéo, c'est le sentiment déterministe, c'est-à-dire le sentiment finalement qu'on est joué plutôt que acteur de quelque chose. Et là, votre astuce narrative, elle déconstruit précisément cette impression d'enfermement qu'on peut avoir avec peu de choix. Dans le jeu. Alors, est-ce que ça, c'est quelque chose qui, pour vous, qui êtes des joueurs aussi bien que des créateurs de jeux, est-ce que c'est quand même quelque chose qui était à l'origine, vous vouliez peut-être ouvrir l'espace du jeu vidéo et ses possibilités? Avec notamment la présence du rewind ou pas Bah, spécialement? oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a quand même. L'impression qu'il y a plus de choix, qu'on est moins embarqué dans une histoire qui n'est pas la nôtre. Il y a un phénomène de co-création avec le joueur. Ouais, bah tant mieux si ça fait cet effet-là. Parce que oui, c'est ce qu'on voulait. Après, on a quand même une ligne principale d'histoire qu'on garde tout le long, en fait. Donc, nous, dès le début, on a toujours dit qu'on n'allait pas faire un arbre, voilà, qu'on peut connaître aussi. Parce qu'il y a d'autres jeux qui font des arbres beaucoup plus enfin, ouverts que nous. Juste, alors, pour préciser, donc, toi, tu as joué aux quatre premiers? Oui, Enfin, oui, oui, aux oui, oui, oui. quatre, J'ai ok. joué avec un ami, j'ai pas de console moi-même, mais au 4, quoi. D'accord. Ok. Donc oui, nous l'idée c'était de faire ressentir ça au joueur, le fait que ce soit son histoire à lui. Pour ça, il y a plein de moyens en fait. Il y a faire autant de scènes que de joueurs, mais ça, on n'a pas du tout les moyens de faire ça. Ouais. Donc l'idée c'était que nous on prenait tout l'opposé, c'est-à-dire on sait qu'on a des scènes, on sait qu'on veut emmener quand même les personnages principaux et secondaires à un endroit, mais comment le faire en donnant au joueur l'impression que c'est lui qui les amène. Donc c'est en gros on saupoudre l'histoire par des conséquences assez enfin très régulières C'est-à-dire que nous, dès le début, on s'est dit qu'on ne voulait pas mentir aux joueurs. C'est-à-dire que quand il y a un petit papillon, là, et qu'on se rend compte qu'il y a un choix intéressant, enfin, que le joueur se rend compte qu'il y a un choix à faire, ou une action qu'il réalise, et qu'on lui indique qu'il y aura des conséquences, il y en aura systématiquement. C'est-à-dire qu'on voulait, dès le début, ne pas mentir et avoir tout le temps des conséquences. Donc après, ces conséquences, elles peuvent être minimes. Ça peut être un texto qu'on reçoit ou pas, ou c'est un article dans le journal qui apparaît ou pas, parce qu'on a détourné le train ou pas. Enfin voilà, ce genre de petites choses. Et ça peut être plus important, c'est-à-dire la mort d'un personnage ou une scène qui a lieu ou pas. Donc ça, c'est évidemment d'un point de vue production, parce qu'il faut rester terre à terre, c'est le plus coûteux. Du coup, on n'aura pas ça à chaque fois, mais ce genre de conséquences un peu plus fortes a son effet aussi. Mais même les petites conséquences ont souvent presque plus d'effet, parce que comme tu dis, c'est qu'elles sont tout le long de l'histoire. Donc si, après, faut doser, quoi. Faut pas que, ah, comme t'as fait le choix dans tel épisode, faut pas que ça arrive comme un cheveu sur la soupe, que ça semble naturel. Donc ça, c'est un peu la difficulté aussi. C'est d'amener ces petites conséquences-là naturellement tout au long du jeu, quoi. Que ce soit des dialogues, des textos, des images, des textures qui changent, un personnage qui a une balle à frou pas, enfin voilà, ce genre de petites choses fait que le joueur s'approprie l'histoire, même si, enfin, faut pas se mentir, l'histoire reste la même. Oui, j'ai vu qu'il y a quand même malgré tout des moments où on arrive quand même à une conclusion. Par exemple, j'imagine que la fin de l'épisode 4, il n'y a pas trop de variantes quand on découvre que le prof qui avait l'air extrêmement trop sympathique pour être vrai s'avère être en fait du mauvais côté de la force. Mais je trouve effectivement qu'il y a... c'est ça, hein. Oui, d'accord. C'est-à-dire chaque joueur arrive à ce moment-là à l'épisode 4, mais la manière dont il y arrive, comme disait Raoul, change. C'est-à-dire c'est vraiment une notion un petit peu de c'est le voyage qui est important plus que la fin, et le voyage est vraiment différent pour chaque joueur, vraiment en fonction de ses choix, des actions qu'il a fait. Il a un ressenti différent sur la manière dont son personnage, dont Max réagit aux autres personnes, dont les personnes réagissent à Max. On a vraiment essayé voilà de faire donner le plus possible cette impression que ce voyage est un petit peu différent et fabriqué en fonction de ce qu'a fait le joueur. Et parce qu'après, nous, on a des besoins aussi de... Il y a des jeux qui n'ont pas ce besoin-là, mais nous, on a besoin de maîtriser un petit peu le pacing et pour aussi tout ce qui est mise en scène et tout ça. Ouais. Et à la fin de l'épisode 4, c'est important d'avoir ce moment-là, d'avoir la perte de Chloé. Ouais. À ces moments-là, il faut qu'on les maîtrise un minimum. Après, ça peut varier... Par exemple, la fin de l'épisode 2, là, pour le coup, il y a une grosse différence, c'est que Kate peut être là ou pas. Donc, par exemple, c'est la même chanson qui est utilisée dans les deux cas, donc il a fallu penser le montage pour que ça marche dans les deux cas. Donc, on a des fois des variantes, mais en général, on a des moments qu'on voulait forts. Par exemple, on nous l'a reproché, la fin de l'épisode 3, il y a plein de gens, ils ont dit, ah ben non, mais moi, je savais qu'il y avait un problème, je voulais pas enlever les clés, je voulais bah oui, mais bon, nous, c'est notre propos aussi. On avait besoin de montrer que, en faisant ce changement qui paraît anodin, on peut avoir d'autres conséquences bien plus graves, ou en tout cas, qu'on peut pas tout fixer en faisant ça. Donc c'était aussi notre propos, du coup évidemment qu'on enlève un peu d'interactivité pour revenir sur l'histoire qu'on a racontée. Ouais. Non mais ça c'est ce que sans j'ai essayé de dire ça sans avoir l'air trop flatteur, mais c'est ce qui fait que le jeu est un chef-d'œuvre dans son domaine, parce que vous arrivez à rester auteur tout en créant entre les moments forts de votre proposition une expérience existentielle. Et c'est ce que je trouve intéressant dans le jeu, c'est qu'il mêle deux extrêmes, c'est-à-dire que d'un côté on a malgré tout un parti pris, on va dire, pour faire vite, fantastique, avec quand même des choses qui n'arrivent pas tous les jours, loin de là. Mais d'un autre côté, on a une histoire qui est existentielle. C'est les relations entre adolescents à un moment justement où on sent que on commence à faire des choix dans la vie qui vont être importants. Ouais, c'était exactement ça. Enfin, notre postulat de base, c'était exactement ça. C'était, on cite souvent Stephen King pour ça. C'est quelque chose de la vie de tous les jours, et on ajoute on saupoudre de fantastique, mais c'est pas ça le plus important, quoi. C'est qu'est-ce que ça va révéler chez les gens. Ouais, c'est ça. Le fantastique, c'est vraiment un prétexte, en fait, pour venir mettre une sorte de chaos dans un petit monde réaliste, ancré dans le réel, avec ces personnages qui peuvent être des gens qu'on peut avoir connus à notre époque quand on était au lycée, etc. Et le fantastique nous permet là d'accentuer ce propos. Voilà le principe du retour dans le temps. Ça nous permet d'accentuer encore plus cette histoire de passage à l'âge adulte, de cette étudiante qui a du mal à aller de l'avant, qui a du mal à s'affirmer par elle-même. Et on se sert vraiment de cette thématique fantastique comme catalyseur de toutes ces relations humaines. Mais, ouais. Mais le point important de la Life is Strange, ce sont les relations humaines entre les personnages. Quoi. Ce sont des métaphores, en fait, en quelque sorte, les tornades, les... En tout cas, j'ai lu l'un de vos collègues qui a dit que c'était des métaphores. Ah, ouais, non, c'est... Je sais plus, je peux retrouver son nom, mais bon, votre avis m'intéresse. Tout à fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de symboliques et de métaphores dans le jeu qu'on utilise comme des symboles, que ce soit visuels ou pour renforcer les propos liés à l'humain ou à la personnalité des personnages. D'accord. Et alors, je vais revenir sur l'aspect déconstruction, et puis vous pouvez m'arrêter parce que je ne suis pas un spécialiste, mais je me souviens que quand je jouais plus souvent, il y a bien longtemps, il y avait la possibilité, donc une fois qu'on se faisait tuer, de revenir en arrière parce qu'on faisait des saves au fur et à mesure pour justement pouvoir revenir 5 minutes en arrière quand on avait fait une bêtise. Et j'ai l'impression que ça, qui était en quelque sorte une petite tricherie du joueur, vous vous en êtes souvenu et vous l'avez intégré comme centre du jeu, donc ce qui est très intéressant. Et pour revenir à l'idée d'algorithme, parce que déjà le codage, c'est de l'algorithme, mais il me semble que vous faites une réflexion sur l'algorithme même, et j'ai vu la façon dont, par exemple, chaque scène doit être décomposée narrativement en algorithme. Donc, qu'est-ce que vous pourriez dire à ce propos ? Est-ce qu'il y a une volonté plus ou moins consciente, et où, de toute façon, maintenant, dans l'après-coup, vous pouvez vous apercevoir de choses, mais de se dire, tiens, est-ce qu'on va réfléchir à ce que c'est qu'un algorithme ou... Ouais, souvent ça arrive un peu après-coup. Enfin, ouais. C'est pareil. Souvent, ça arrive pour des films, des choses comme ça, où finalement, on trouve plus de trucs après l'avoir fait, alors qu'on n'y pensait pas du tout en le faisant. Nous, c'est quand même un peu ce qui est arrivé. C'est que je me souviens d'un article, je crois, qui parlait de metagame, quoi, de metagaming. Ouais, C'est-à-dire qu'on... Parce qu'en fait, ce dont vous parlez, là, c'est le fameux le F5, F6, quoi. C'est-à-dire qu'on D'accord. fait un oui, save, oui. quick load. Et ça, c'était clairement un truc qu'on faisait tout le temps quand on jouait. Ouais. Et en fait, ce qui est super avec Rewind, c'est que ça introduit ça dans le jeu et ouais. dans l'histoire. Mais ça, enfin, nous, on n'y avait pas trop pensé. Nous, on avait, enfin, en tout cas moi, j'avais plus peur en fait que ce pouvoir annihile tout intérêt aux scènes et aux choix. Donc c'est dire si on a douté quoi. Non, c'est vrai qu'on avait cette peur et du coup on a beaucoup travaillé sur ça pour parce que c'est vrai que dans les jeux on peut faire F5 F6, on fait son walkthrough parfait en fait. On dit alors j'ai pas aimé ce que j'ai fait ici, je reprends ma dernière sauvegarde, je fais un combat contre cet ennemi, voilà, dans tous les jeux avec quick save, il y a ce côté pouvoir se permettre de faire son jeu parfait. Et du coup quand on avait le rewind, on se posait cette question à se dire est-ce qu'on réduit pas l'importance des choix si on permet aux joueurs de faire de toujours revenir en arrière et de faire son choix préféré entre guillemets. Et c'est aussi pour ça qu'on a vraiment travaillé sur cette notion de conséquences à long terme qui peut surprendre le joueur parce que c'est un des postulats du jeu aussi, c'est que dans la vraie vie il y a pas de choix parfait, c'est-à-dire que tous les choix qu'on fait dans la vie on doit les assumer et même les choix qui nous paraissent les meilleurs à un moment donné peuvent très bien s'avérer être des choix moins positifs que ce qu'on pensait plus tard dans le temps. Et on a joué sur cette mécanique là dans le jeu, dans la manière dont on a écrit le scénario, dont on a écrit les scènes, pour justement aussi en sorte de métaphore justement dans le jeu, de dire aux joueurs il n'y a pas de chemin parfait, c'est-à-dire qu'il faut à un moment accepter aussi ses choix et en accepter leurs conséquences, parce qu'on ne pourra pas tout réussir et tout rendre parfait, quoi. Et là où d'autres jeux, alors juste petit point, c'est qu'on te voit plus bouger. Oui, moi non plus. Ouais, je me vois plus bouger non plus. Ah, okay. Mais je vous vois. En revanche, je vous vois bouger, donc bon. D'accord. Ok. Bon. Attends, sinon je vais couper la cam et la remettre. D'accord. Je sais pas si ça remarche là. Ah, je vais faire pareil. Je vais essayer pareil. Hein. Ok. Et ouais, du coup, parce que. Merde, j'avais perdu le fil, du coup, tu disais... Conséquences à long terme, il n'y a pas de... Ouais, c'était que, en fait, sur... Il y a beaucoup d'autres jeux où, comme on n'a pas le rewind, en fait, les conséquences, même si on dit qu'il y a des conséquences, c'est plus facile, parce qu'il suffit de faire un petit changement, et en fait, il y a beaucoup de joueurs qui n'iront pas voir les deux. Là, le problème, c'est qu'on savait qu'à chaque moment, le joueur pouvait potentiellement revenir en arrière et voir les deux conséquences, et se dire, ah, non, mais attendez, les gars... En fait, il n'y a pas deux branches, quoi. C'est n'importe quoi. Donc, ça, c'était une contrainte assez forte. Mmh. Et voilà. Donc, déjà, c'était bien écrire les choix pour qu'ils soient durs à prendre. Que quand on voit les deux branches, on sache toujours pas vraiment laquelle prendre. Ouais. Et après coup, surtout avoir, voilà, des conséquences à long terme qui puissent surprendre. C'était un peu le, enfin, au fur et à mesure, sans de travailler l'histoire, c'est ça qui est arrivé très vite. Donc, il a fallu, voilà, travailler chaque choix. On se l'est pas mis comme une règle, il faut pas que ça devienne mécanique, mais c'était quelque chose qu'on gardait vraiment en tête pour donner aux joueurs cette expérience intéressante avec ses surprises. C'est-à-dire vraiment le joueur qui pense avoir fait un choix très intéressant et qui à un moment va se rendre compte que c'était peut-être pas la meilleure idée ou qu'il y avait d'autres conséquences qu'il n'avait pas vues. Mm-hmm. Oui, alors je repensais au titre et bon, comme moi je suis un peu philosophe par passion, mais j'ai tendance à voir des significations un peu partout, mais comme d'ailleurs beaucoup de vos fans qui dans les fan théories ont des trucs extrêmement brillants parfois. Alors étymologiquement, étrange, strange, c'est ce qui vient de l'extérieur d'un système. Donc c'est dans un sens on peut dire que le titre est parfait si on se réfère à l'aspect méta-algorithmique, remise en question, alors évidemment relative parce que ça reste un jeu, mais de l'aspect systématique et déterministe que peut avoir un jeu, et après évidemment philosophiquement du déterminisme de la vie, parce que finalement le fait que malgré tout on revienne ponctuellement sur des choses qui doivent arriver, quels que soient nos choix, ça dit quelque chose sur le destin, par exemple. Et ce que j'aimerais savoir, mais, après ces longues phrases un peu compliquées, c'est Life is Strange pour vous maintenant, après 4 épisodes. Comment vous sentez le titre? J'imagine que ça a un peu changé. Maintenant, comment vous expliqueriez ce titre? Ouais. Alors les titres. Ouais. Alors déjà, voilà, on n'est pas les seuls à choisir. Donc ça, faut le savoir. C'est très compliqué parce qu'on a l'éditeur évidemment qui pousse derrière nous. Voilà. Donc ça a été très très compliqué. On est passé par énormément de titres. Je crois qu'on en a eu 150 au pic. Ouais. Donc au tout départ, le nom de code du jeu, c'était beaucoup plus terre à terre et simple, c'était What If. Oui. Voilà, ça c'était le nom de code. On l'a gardé un bout de temps et voilà, quand on a dû décider d'un titre, voilà. Life is Strange, c'était le titre du premier épisode du jeu. Mm-hmm. Y a des sous-titres en fait pour chaque épisode et Life is Strange était le premier épisode. Et je pense qu'en effet, c'est pas par hasard que c'est lui qui est arrivé à devenir le titre du jeu. Parce qu'à l'époque, du coup, notre writer, il l'avait donné pour l'épisode 1, et ben voilà, l'épisode 1 résume un peu le projet, quoi. C'est que c'est ce pouvoir qui arrive, et voilà, et des fois, en effet, la vie est bizarre. Enfin, est étrange. Et puis, c'est, ouais, c'est, et... c'est le pouvoir, c'est aussi la situation de Max qui retrouve Chloé. Et du coup, c'est un titre qui marchait bien sur ce premier épisode. Ouais, et du coup, voilà, à l'échelle du jeu, en effet, il marche très bien. Et en effet, l'analyse que tu viens de faire marche très bien aussi. Ouais. Même si, voilà, nous, c'est... Enfin, on n'y avait sûrement pas autant pensé à l'époque. Est super content du titre, c'est clair, parce que comme on disait au début, l'intention générale du projet, c'est de parler de la vie de tous les jours, c'est de parler de ces personnages avec cet élément surnaturel qui vient amener un petit peu de chaos dans cette situation. Et finalement, le titre résume très bien ça, et avec plusieurs niveaux de lecture dans le titre, effectivement. C'est-à-dire que même s'il n'y avait pas du tout de surnaturel dans le jeu, Life is Strange pourrait aussi marcher parce qu'on traite justement de thèmes et de situations qui peuvent être étranges aussi sans avoir forcément l'aspect fantastique. Et c'est vrai que nous, en plus, on n'est pas anglo-saxon, et du coup au début, moi, j'avais un petit peu de mal, par exemple, avec ce titre, mais en fait il a vraiment une connotation un peu comme nous, on dirait le monde est petit ou des choses comme ça, ce côté un peu des coïncidences, des choses. Et en fait, Life is Strange est quand même beaucoup utilisé comme ça dans le monde anglo-saxon, plus que nous, on dirait le monde est étrange. Enfin, moi, je le dis jamais. Oui. Voilà. Et du coup, c'est cool parce que c'est aussi ces petits riens mis ensemble, qui sont intéressants. Voilà. Et est-ce que vous seriez d'accord avec cette idée que, toujours philosophiquement, le jeu pourrait être une allégorie, un commentaire? Alors, je ne dis pas que tout ça a été pensé à l'avance, mais n'importe quel créateur travaille beaucoup avec l'inconscient et s'aperçoit de bien des choses après coup. Hein, ça c'est... Heureusement, sinon on ne pourrait pas créer, ça vous le savez autant que moi, si on devait penser consciemment à tous les... Mais cette idée que finalement la vie c'est une constante tentative pour éditer l'irrépressible. On est débordé, il y a des tas de possibilités, des énergies, de l'inconnu, et il faut quand même donner une direction à ça, si possible avec avec intégrité et cohérence pour construire un destin. Et ça, je pense que tout le monde le ressent, pas seulement les adolescents. Et finalement, ce que peut faire, ce que le jeu commente, moi, il me semble, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, racontons une histoire qui dise ce dilemme qui est qu'on n'est jamais 100% sûr de nos actes, mais on aimerait bien, malgré tout, être un bon éditeur de notre propre existence. C'est tout à fait l'un des postulats de base. Un des grands thèmes, du jeu, c'est évidemment le destin, la question de est-ce qu'il faut questionner le destin, est-ce qu'il faut essayer de changer son destin, et en donnant ce pouvoir à notre héroïne, c'est toute la question qu'on pose aux joueurs, justement. C'est si on avait le pouvoir de revenir dans le temps, qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce qu'on essayerait de rendre notre vie la plus parfaite possible, d'améliorer nos relations avec nos amis, de changer des événements pour améliorer la vie de personnes qu'on connaît, etc. Et c'est toutes ces questions qu'on pose au fil des épisodes, mais qu'ont déjà été posées dans d'autres œuvres créatives. Mais là, nous, on souhaitait donner l'interactivité aux joueurs sur cette possibilité, justement, de façonner la vie de l'héroïne. D'accord. Le jeu est épisodique, ce qui permet donc aux joueurs de créer tout un espace de conversation, de discussion, d'échange d'idées et d'émotions entre chaque épisode. Ça, j'imagine que c'était voulu. Le choix de faire des épisodes, est-ce que vous y voyez d'autres avantages? Oui, il y en a pas mal. Il y a surtout beaucoup d'inconvénients. ça rajoute beaucoup, beaucoup de travail. Et ça, disons que ça ne facilite pas du tout la production, que c'est beaucoup plus dur. Mais après, oui, c'est notamment ces points-là qui sont arrivés. On s'y attendait pas forcément, en fait, autant. C'est-à-dire que ce moment d'attente entre chaque épisode devienne si riche et engendre autant de retours. Enfin, c'est un truc qu'on s'y attendait vraiment pas. Du coup, ça, enfin, c'est vraiment le point le plus positif, enfin, pour moi en tout cas, au format épisodique. Et après, bah, au niveau des choses bien, enfin, nous, dès le début, on a écrit un épisode. Du coup, l'idée, c'était de maîtriser la narration et le pacing pour le joueur au maximum. C'est-à-dire qu'avec un épisode de 2-3 heures, on sait comment le joueur risque de jouer au jeu. C'est-à-dire qu'il va jouer un épisode en une fois, souvent, parce que c'est pas si long. Du coup, on peut un peu travailler les arcs d'évolution des persos, l'émotion dans un épisode, etc. C'est quelque chose qui est assez rare dans le jeu vidéo, parce que souvent, sur un jeu de 20 ou 30 heures, on ne sait pas du tout quand le joueur s'arrête, quand il reprend. Il peut s'arrêter au milieu d'une scène qu'on avait imaginée fabuleuse, et en fait, il casse tout en allant faire les courses. Mais ça, on ne peut pas savoir. C'est pas comme un film où on se dit quand même que le spectateur va regarder un film en entier. Donc là, l'épisode, c'est super fort pour ça. C'est que ça permet de maîtriser le rythme de jeu et l'expérience joueur un petit peu, quoi. Est-ce que c'est encore un jeu vidéo? Parce que ma compagne qui joue très peu m'a vu devant l'écran et m'a dit, mais c'est un film. Est-ce que vous êtes dans un genre justement hybride? Est-ce que vous diriez que dans un sens ça peut être vu comme un film interactif? Je sais pas comment tu l'as vu, toi. C'est vrai que moi j'ai, comment dire, non, moi je l'ai vu comme un, moi je l'ai vu comme un jeu. Je l'ai vu Bah ouais, comme moi un je jeu. pense aussi quand même. Ouais. Mais Après, je vois ce voilà, qu'elle veut dire. il y en a beaucoup qui diront, bon, c'est un peu plus dur sur ce jeu-là que sur d'autres, mais ils diront que c'est un walking simulator, s'ils veulent. Moi, je pense qu'il y a un peu plus de ça quand même. C'est que, enfin, je sais pas, moi, je pense que nous, on n'a pas du tout envie de faire des films, et si on fait des jeux, c'est justement pour tout le côté interactif. Donc, je pense qu'il y en a quand même beaucoup dans Life is Strange et que c'est en même la base de l'histoire, l'interactivité qui est dedans. Donc, si on enlève ça, bah oui, ça fait un film, mais pour moi, ça n'a aucun intérêt si on l'enlève. Enfin, le projet n'a plus aucun intérêt. Et après, certaines personnes qui peuvent penser ça peut être aussi parce que le rythme est beaucoup plus lent, beaucoup plus posé, mais il y a de l'interactivité à tout moment et des choses. Enfin, bien sûr, tout le fait déjà on déplace complètement le personnage et on choisit à tout moment ce qu'on regarde, les interactions qu'on fait, les objets qu'on décide de regarder, de lire. Tout ça, c'est quelque chose, c'est vraiment le joueur qui se crée son histoire en décidant d'aller lire un article de journal, de s'asseoir sur la fontaine, de jouer de la guitare dans sa chambre. C'est pas des scènes, c'est pas une c'est vraiment le joueur qui décide dans quel ordre s'il fait ses interactions, dans quel ordre il le fait. Et ça, c'est vraiment les éléments les plus simples. Et après, évidemment, il y a tous les choix, toutes les discussions interactives, les dialogues en branche. C'est le joueur se crée vraiment son histoire. Donc pour moi, c'est complètement un jeu et c'est vraiment la manière de jouer du joueur qui crée un petit peu plus cet attachement au personnage et la manière dont il se raconte cette histoire. Ouais, moi j'ajouterais que pour moi c'est aussi comment dire, une machine à penser, pour utiliser un terme un peu deleuzien, mais j'ai le droit de parler de Deleuze parce que je sais que l'un de vos actionnaires est Damasio, donc Exactement. donc une machine communautaire aussi, parce qu'entre entre chaque épisode, il y a de la communauté qui se crée. Vous parliez d'un budget maigre. Alors bon, de toute façon, ça sert à rien de parler d'une somme précise parce que ça va rien me dire. Mais en revanche, en tant que maison de en tant que studio français, est-ce que ça ajoute des difficultés pour vous dans la conception, dans la création, aussi dans le fait d'arriver à amener vos projets au stade de la production et trouver un publisher? Vous voulez dire en étant un studio français? Ouais. Est-ce que le fait d'être un studio français, ça, à tous les niveaux de ce que vous faites, est-ce que ça crée des contraintes? Ça simplifie pas forcément en tout cas sur la démarche. Parce que là, par exemple, sur Life is Strange, on a fait un jeu qui se passe aux États-Unis avec des personnages américains. Donc la pression, au moment où on a dû trouver un éditeur, la pression était peut-être un petit peu plus forte parce qu'il fallait qu'on prouve qu'en tant que Français, qu'on savait écrire une histoire, écrire des personnages qui sonneraient juste pour un public américain. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, quasiment la moitié du marché, c'est le public nord-américain. D'accord. Et il faut, les éditeurs, du coup, cherchent quand même des projets qui pourront vendre dans cette région du monde. Donc, c'est une petite contrainte. Nous, après, on a travaillé sur le projet vraiment avec cette idée en tête de ne pas faire justement le jeu qui se passe aux États-Unis mais qui est écrit par les Français et qui tombe complètement à côté de la plaque. Donc c'est pour ça qu'on a recruté un scénariste américain, qu'on travaille avec des acteurs pour les voix qui sont à Los Angeles. On a vraiment travaillé le plus possible pour que le produit soit international. Et une fois qu'on montre qu'on a un produit qui peut être international, je pense pas qu'il y ait forcément plus de difficultés. La difficulté, elle est de notre côté en créa, en fait, de pas faire le jeu franco-français qui n'aura pas du tout de possibilité de s'exporter. Ouais, ou c'est le même problème avec des trentenaires ou quarantenaires qui font un projet sur des ados, voilà. Faut juste on va pas faire un vieux truc, où on parle que de Retour à le futur, enfin voilà. C'est vrai que c'est le danger, quoi. C'est que du coup c'est des textos, c'est des trucs comme ça, et ça on a vite fait de se faire et à raison, quoi, de dire non mais les gars, n'importe quoi, c'est pas ça des textos en 2013, quoi. Donc ça fallait faire très attention. Après, pour ce qui est studio français, on a malheureusement toutes les mêmes difficultés que n'importe quel studio dans le monde pour vendre les projets à des éditeurs, hein. C'est vraiment la même chose. C'est que il y a un petit une mode un peu, enfin mode c'est beaucoup dire, mais voilà, ils savent que la France est un pays créatif, voilà, pour ce qui est cinéma, comics, enfin bande dessinée, jeux, il y a un truc, quoi. Après voilà, les éditeurs, c'est pas ça qui va les faire signer, donc il faut juste que le projet soit sérieux, que derrière il y ait, c'est exactement les mêmes difficultés qu'un anglais ou que ce soit pour signer, quoi. C'est compliqué de faire signer des projets, hein. Ça reste très compliqué. Oui, d'accord. Ouais. J'imagine. Bon, maintenant, j'espère qu'avec le succès de Life is Strange, ça vous donnera des possibilités. Mais de toute façon, pour avoir été éditeur dans le livre moi-même et auteur de romans, je sais que il faut à chaque fois, en fait, aujourd'hui, avec le marché, il faut à chaque fois tout recommencer et tout prouver. Est-ce qu'on vous dit parfois de l'étranger, est-ce qu'on vous dit qu'il y a une French touch, ou pas du tout Celle-là, tu l'aimes bien. Ouais, celle-là, j'aime bien parce que j'aime bien dire que non. ouais, non, mais ça m'intéresse que ça m'intéresse. Ça fatigue un peu, je t'avoue ça. Ouais. Bah ouais, il y a des super bons créateurs, voilà. Ouais. Non mais je parle pas de nous, hein. Mais je dis voilà, oui, il y a un truc, moi je parlerais plutôt de européen, quoi. Enfin, ouais. Non mais après, si ça permet de signer plein de projets demain, bah ouais, il y a une super French touch, on est tous nés avec un tatouage French touch dans le dos. Mais non, je pense que c'est plus de la curiosité, des choses comme ça, l'ouverture à d'autres médias, et ça il y en a dans tous les pays, donc je trouve aussi absurde. Par contre, moi ce que je redis souvent, c'est qu'il y a des très bonnes écoles en France. Du coup, ça veut dire qu'il y a des très bons artistes et ils se barrent tous. Voilà, la French Touch, c'est plutôt la diaspora touch. Ouais, d'accord, ouais. Ça c'est intéressant. Par exemple, les Gobelins. Ouais, exactement. Ouais. Emile Cole, Gobelins. D'accord, ouais, non, c'est une très bonne. Dans le Canada, aux États-Unis, de concept artistes, de directeurs artistiques, il y en a beaucoup qui ont fait des écoles en France, qui sont français, mais de là, voilà. Je pensais à ça parce qu'il y avait, même si l'idée de Francitude me paraît totalement absurde, l'une de vos fans qui a posté une vidéo de fan theory, extrêmement brillante d'ailleurs, disait à la fin, tout ce que je viens de dire a peut-être l'air d'être tiré par les cheveux, ou complexe, mais souvenez-vous que c'est un studio français, donc c'est forcément compliqué. Ouais, on aurait dû dire que les persos devraient râler et tout. Ouais. Alors, il a quel âge, le scénariste? Pardon? Le scénariste a quel âge? Alors en fait, on a eu deux scénaristes. Du coup, on a travaillé l'histoire originale avec un scénariste français qui s'appelle Jean-Luc Cano, qui avait 34 ans quand il a écrit l'histoire. Ouais. 33, donc il a maintenant 35. Et ensuite, les dialogues, on les a travaillés avec donc un scénariste américain, Christian Devine, qui a dans les 44 ans, je crois, quelque chose du genre. Sans être exact, je ne sais pas exactement. Oui, non, mais c'est à peu près. Non, mais c'est pas par rapport à effectivement à la. À la, au sentiment qu'on peut avoir qui peut être castrateur, parce que finalement une œuvre c'est toujours une représentation de la réalité. Le but c'est pas d'être fidèle, parce que c'est vrai que ça pourrait paralyser de se dire oulala, est-ce qu'un adolescent aujourd'hui utilise vraiment cette expression ou pas, mais finalement vous avez réussi à, je pense vu la réception, à créer comment dire, une expérience universelle qui fait que le but c'est pas de faire de l'histoire contemporaine de la façon dont les gens se parlent aujourd'hui. Ouais, mais c'est vrai que ça c'était important pour nous, c'était un des premiers d'ailleurs quand on avait commencé à quand on avait rencontré Christian Devine, le premier entretien qu'on a eu sur lui avec lui sur Skype, c'était un des premiers points dont on avait parlé, c'était le but était pas de faire du documentaire hyper précis sur la manière exacte de parler de personnes de ces personnages. On a voulu documenter l'ensemble et avoir quelque chose de crédible, mais on voulait aussi, et je pense que c'est important dans toute œuvre, de trouver des petites touches d'intemporalité pour aussi parler au public. C'est-à-dire que il faut à certains moments, il faut aussi sortir un tout petit peu des expressions utilisées exactement en 2013, parce que sinon le jeu devient daté très très vite. C'est-à-dire que si on ne fait que des références et des expressions qui correspondent exactement à un mois d'une année, trois ans après, les gens ont oublié tout ça et se disent « mais c'est quoi ce jeu ? C'est étrange. » Il faut aussi utiliser des idiomes, des expressions qui sont un peu plus intemporelles pour que le jeu justement puisse exister aussi sur la durée et rester et garder justement une sorte d'intemporalité. Ouais. Combien de ventes ? Vous parlez en termes de ventes dans les jeux vidéo aussi, non ? J'imagine. Oui. Téléchargement. Combien de copies vous avez vendu des 4 des épisodes ? Alors, le dernier truc dont on est au courant, qui est officiel, c'est 1 million de joueurs uniques. Oui, c'est ça. Hein, c'est ça. Donc, ça veut dire que c'est 1 million de joueurs qui ont soit acheté le pass, soit acheté un épisode. D'accord. C'était il y a quelques mois. Je ne sais pas du tout où ça en est. Ah, il y a quelques mois, ouais. Ouais, au niveau des ventes, on ne sait pas trop. On sait que c'est bien. Voilà. C'est quoi la moyenne d'un jeu vidéo? Ça dépend tellement de plein de choses. Ouais, tout dépend. C'est incomparable entre certains. Et puis tout dépend du budget, c'est-à-dire qu'un triple A qui a coûté 70 millions, s'il vend 3 millions de copies, c'est un flop. Ouais. Et un jeu indépendant qui a coûté 500 000 euros, s'il vend 40 000 copies, c'est un succès. Tout est relatif aussi par rapport à plein de choses, par rapport au bien budget, au public visé, à la niche. Donc c'est assez dur de quantifier, ce genre de choses. Ouais, ouais, GTA V reste le bien culturel le plus vendu au monde. Oui. Ouais. voilà. Ouais. Moi, je suis très content. D'accord. Parce que GTA V, c'est votre studio aussi, alors? Non, on aimerait bien. D'accord. Non, c'est Rockstar, c'est le plus gros studio, un des plus gros studios au monde. C'est des Écossais. Et ouais, GTA V, je pense que tu vois, je vois ce que c'est. C'est la mafia. C'est là aussi où il y a beaucoup de polémiques, mais ça reste un très très très bon jeu. D'accord. Pareil, qu'il y a des super, une narration fabuleuse et les thèmes dont il parle. Pour moi, c'est une des meilleures œuvres sur les États-Unis qui existe actuellement, et donc je suis très content que ce soit ça qui soit le plus vendu. D'accord. Après, les gens qui l'achètent, c'est juste pour s'amuser avec des bazookas contre des tanks, hein. Mais derrière, l'histoire est vraiment, vraiment. D'accord. C'est très, très intelligent. Parlons de Life is Strange. Donc 500 000 euros, c'est à peu près votre budget ou plus? On n'a pas dit ça. D'accord. On peut pas vraiment parler du budget. D'accord. Parce que Square. Pour rigoler, en plus c'est pas du tout mon sujet, parce que mon propos il est plus académique, hein, mais je sais pas, je pense que au pif je dirais 5 millions, allez, non, j'en sais rien. Bon, bref, c'est pas important. Arcadia, alors Arcadia, c'est un peu le paradis sur Terre. Je crois qu'à un moment, la mention est Arcadia ego dans l'un des jeux, donc un peu cette idée que la corruption est présente, y compris au paradis, la mort, la corruption. Ça, c'est quelque chose qui vient du scénariste. Comment vous travaillez au niveau créatif? Est-ce que c'est vraiment un processus collectif? Oui, beaucoup. Après, pour par exemple cet exemple particulier, ça s'appelait pas comme ça au départ par le D'accord. scénariste français. Et après, c'est en fait nous, donc on a la trame scénaristique principale qui a été écrite par notre scénariste français. Nous, on l'a reprise avec Michel. On a écrit beaucoup de choses pour en faire, enfin finaliser pour que ce puisse être un jeu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de scènes, voilà, qu'on a réécrites et tout ça, les personnages qu'on a simplifiés. Et c'est là qu'on a du coup pris contact avec Christian pour tout ce qui est dialogue pur, pour que ce soit écrit en anglais dès le début et que ce soit et aussi pour réviser ce genre de petits détails, c'est-à-dire les environnements, par exemple, est-ce que ce plot dans la rue, il existe vraiment aux États-Unis, est-ce que ça ne choque pas? Est-ce que dans une fac, on peut se promener dans un couloir, est-ce qu'il peut y avoir une affiche sur le social bullying ou pas? C'est ce genre de petits détails qui étaient importants, et donc évidemment les noms des personnages et le nom de la ville. Donc ça, Arcadia Bay vient de lui. C'était une liste en fait qu'il a fournie. Et après nous on en discute quoi. On dit bah ça on n'aime pas trop, ça on aime bien. Bon, Arcadia très vite on a aimé. Il y avait des trucs avec les pins aussi qu'on aimait beaucoup. Oui, il y avait genre Pine, Pine Creek, des choses comme ça. ouais. Pine Bay. Ouais, voilà, on aimait bien ça. Après voilà, Arcadia, bah, Et il y a évidemment ce a plus de sens. double lecture. En plus, on est très fan de Sky of Arcadia. Enfin, bon, il y avait plein de petits trucs à la con. Mais voilà, en fait, c'est un processus. Bon, souvent, on en discute tous les deux avec la personne en charge. Par exemple, pour un décor, souvent, ça va être pareil. C'est qu'on a la personne qui fait le décor et on va en parler avec lui. Voilà. Oui, il y a plein de petits C'est détails. collectif, mais disons qu'on a un peu le final cut, mais. Je veux dire, demain, Christian, il veut à tout prix que la ville s'appelle comme ça, on va pas se battre, sauf si c'est arrivé pour certaines répliques ou des choses comme ça, ou c'était important pour lui. Bah voilà, on en parle. Et alors, Pour pour la revenir. ville, on est très très content du nom, en fait. Ouais. Et c'est après coup, sur le moment, on dit, ouais, ça sonne bien, c'est cool, et puis après, on pense évidemment aux autres lectures, quoi. Moi, ça m'a beaucoup touché parce que j'ai publié chez Plon un roman qui se passe entièrement dans un jeu vidéo, et le jeu vidéo s'appelle Paradisa, qui veut dire, qui vient du mot, qui a donné le mot paradis. Et c'était aussi un jardin divin en Perse. Donc, quand j'ai vu Arcadia, je me suis dit, ah, tiens. Mais. Christian sera content, on lui dira. D'accord. Mais c'est vraiment un super, super writer. Enfin, nous, on est très, très heureux parce qu'il a justement cette culture large, au bon sens du terme, c'est-à-dire Bien sûr. culture populaire et en même temps une culture un petit peu plus littéraire et classique. Et c'était ça que je pense important. Et même si tout le monde ne voit pas toutes les petites choses qu'il y a dans Life is Strange, voilà, on aime mettre ce genre de Il y choses-là et a on trouve ça énormément de choses. important. Il y a beaucoup de fans qui en ont trouvé certains. Genre, je pense que la fan dont vous parliez, je pense que c'était Geek Remix. Oui, exactement. Voilà, elle est très très très très forte. Elle analyse beaucoup de choses, mais il y a des petits trucs, je pense, qui n'ont pas du tout été trouvés encore. Non, ce soin du détail et je pense que ce qui fait aussi le succès du jeu, parce que même si on les voit pas, on les sent. Ça donne une cohérence et une réalité à l'expérience. Mais Ouais, puis juste. c'était même, pardon, d'un point de vue gameplay aussi, c'était quelque chose qu'on voulait. C'est-à-dire si on donne à manger au joueur qui est curieux et qui va aller faire des looks, parler à des gens, aller se promener dans un décor, bah, il va continuer à le faire. Et c'est ça qui est aussi important au niveau interactif du jeu, c'est si on, par exemple, on des voix off de Max qui regarde des objets, si on en fait trois qui veulent rien dire. Qui sont inintéressantes, bah, au bout de trois joueurs, il le fait plus et il aura raison. Là, l'idée, c'est qu'au moins il y ait, même si c'est pas toujours dithyrambique, qu'il y ait au moins un petit truc intéressant derrière. Et c'est ce qui pousse du coup à aller un peu plus loin dans le jeu. Enfin, c'est ce qu'on Voilà, voulait. c'est pas seulement du détail, c'est du microcosme plutôt, c'est-à-dire du détail qui renvoie à la thématique générale ou à la trame ou... Ouais, c'est ça, c'est qu'on apprenne des choses sur la ville, sur les personnages, sur l'histoire. C'est très important d'avoir des choses qui servent. Ou une blague, hein. Enfin, je veux dire, ça peut être ça aussi, quoi. Ça peut être un petit clin d'œil, mais faut pas que ce soit que ça, faut pas que ce soit que du narratif. Enfin, voilà. C'était aussi un bon moyen pour nous de développer davantage la personnalité de Max, qui, justement, étant une introvertie un petit peu timide, entendre ses pensées permet aussi, justement, comme dit Raoul, si c'est par exemple une blague ou un point de vue cynique sur quelque chose, ou de montrer une deuxième facette de sa personnalité qui est différente de ce qu'elle veut bien, elle, donner au monde, de par son côté introverti, où elle est un petit peu réservée, forcément. Alors, quand même, pour Alors, revenir. juste, alors Louis, je suis désolé, je vais juste, au niveau des Deux minutes? horaires, nous, Oui, on c'est va pas vrai. pouvoir rester encore trop. Non, j'ai bientôt fini. Ça vous va? En Deux fait, on a minutes? Luc, producteur, qui est à la fenêtre, qui fait les gros yeux. Ouais, d'accord. Voilà, mais je reste Bon, encore. alors, juste une dernière question, on peut ou? Ouais, bien sûr, bien Ouais. sûr. Alors, non, pour revenir sur la comparaison avec GTA V, qui est quand même. Moi, j'ai pas joué, mais je pense qu'il y a beaucoup de violence. Enfin, c'est un univers assez masculin. Life is Strange, et ça me semble quand même plus. On va dire féminin, mais au sens pas au, enfin, comment dire, au sens artistique du terme, c'est-à-dire importance des émotions, des relations. On pourrait même juste pour continuer sur l'idée de French Touch qui est vraiment évidemment problématique, mais on pourrait quand même dire la France historiquement est connue pour proposer des œuvres ou plus féminines entre guillemets. Et même, je pense que certains des joueurs sur Internet, sur YouTube, au départ, se moquent de ça. Ils disent, ah, qu'est-ce que c'est girly ce jeu? Et puis finalement, ils rentrent dedans parce que c'est un jeu qui touche la part intellectuelle et sensitive de tous. Et donc ça, est-ce que vous êtes... C'était un souhait de faire un jeu qui soit pas un jeu... Comment dire, mâle ou macho? Oui, c'est. Je dirais pas forcément sous le terme là, mais c'était. On avait certes, bien sûr, envie de laisser la possibilité aux joueurs de prendre son temps. Un des mots-clés qu'on utilise souvent au début du projet, c'est la nostalgie. C'était un des thèmes principaux. Donc D'accord. c'est quand même quelque chose d'assez introspectif, d'assez personnel. Donc oui, il y a ce côté. De se prendre un petit peu de temps sur soi-même, même on sait ce qu'on souhaitait faire quand le joueur joue, qu'il puisse prendre son temps, qu'il puisse tout en découvrant Max et sa vie, son histoire, peut-être avoir le temps aussi des fois d'être amené à certains de ses souvenirs personnels, etc. Donc je pense qu'il y a ce côté, je sais pas si c'est féminin ou Ouais, c'est parce que on se rend. En fait, c'est. Je sais pas, c'est enfin, je sais pas. Ouais, c'est le terme féminin qui peut paraître bizarre parce que oui, donc c'est des héroïnes féminines. Enfin, l'héroïne est féminine et ça, le premier personnage principal est une fille aussi. Mais après, bah voilà, tous les thèmes, tout ce qui se dégage du jeu pour nous touche la part ado et qui est en nous quoi. Donc Ouais, pour un ça c'est ado, net. bah ça lui parle immédiatement, mais pour nous, en tant que trentenaire, enfin, moi, je me suis toujours demandé ce que c'était que. Enfin, je suis pas toujours demandé ce que c'était qu'être une fille aux États-Unis, mais disons que ça m'intéresse de vivre cette expérience-là parce que ça me rappelle aussi des souvenirs, alors que moi j'étais un mec lycéen en arrondi, quoi. Enfin, dire, rien à voir, quoi. Mais on va rappeler ces choses-là et qui parlent du coup à n'importe, enfin à beaucoup de gens, donc aux gens ayant vieilli et aux ados actuels. Et c'était. Que ce soit homme ou femme. Et du coup, c'était quelque chose où on n'était pas sûr, comme on disait au tout début, d'avoir un public pour ça. Enfin, on ne savait pas si les gens. Et après, bah, à force de. Que nous, déjà, on le fait pour nous et on sait qu'on aimerait faire ce genre. Enfin, jouer à ce genre de jeu. Du coup, on sait qu'il y a quand même un public pour ça. Et après, voilà, il y a plein d'autres projets. On pense à Gone Home et tout ça qui sont sortis. Où on s'est dit, ah ouais, c'est cool. En fait, il y a quand même des gens qui aiment ce genre d'ambiance. Et voilà, et après, faut aussi quand même rappeler que l'épisode 1 peut paraître un peu Belle Lumière, Sundance, Girly, si on veut, mais enfin, tu as joué jusqu'au 4, tu vois très bien que là, on emmène quand même dans des territoires qui sont beaucoup plus sombres et beaucoup plus adultes. Ouais. Et assez il y a une dimension politique aussi, même si je pense que c'est pas forcément évident à intégrer. Il y a quand même un discours sur la corruption, les différences de classe. Tout à fait. Nous, ce qui était important, c'était vraiment les thèmes qu'on souhaitait aborder dans le jeu. Et là, on pense que la plupart des thèmes qu'on aborde sont justement des thèmes universels qui sont pas spécialement féminins ou même pas spécialement adolescents. Mais l'utilisation de l'adolescence nous permet justement de parler de ces thèmes d'une manière qui peut toucher, on pense, qui peut toucher la plupart des gens, car on a tous vécu des choses ou connu des gens qui ont vécu des choses similaires. Quand on parle, par exemple, de violence familiale, c'est quelque chose de malheureusement fréquent, et on a soit nous-mêmes eu des expériences similaires, ou on a pu connaître des personnes qui ont pu avoir ce genre de situation. De la même manière, le bullying et tout ce qui se passe avec Kate. Et donc, on aborde tous ces thèmes et on utilise ce terreau, on va dire, du teen drama au début pour faire un point d'accroche pour parler de ces thèmes. Ces thèmes qui pour nous sont très très importants. Et effectivement, il y a aussi des thèmes sous-jacents un petit peu politiques, comme tu dis, la corruption, le monde des adultes qui parfois ne fait malheureusement rien, alors que il y aurait tout ce qu'il faut pour qu'ils agissent, qu'ils fassent quelque chose. Donc il y a ce côté, des fois, cette solitude face à l'adversité, alors que les autres personnes ne nous aident pas. Et il y a des petits, même dans des personnages secondaires, ou on parle très en filigrane des problèmes de la grossesse adolescente aux États-Unis. Donc ça, c'est secondaire, le joueur peut passer à côté, mais s'il prend le temps de découvrir ces aspects-là, on parle de ces thèmes-là aussi. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Je vais pas prendre plus de votre temps, mais je pense qu'on a... Merci à toi. Oui. On a fait un joli tour de piste. Je vais écrire mon article, je vous l'enverrai... avant de le présenter à l'université. Merci beaucoup, c'est gentil. Voilà. Et du coup, tu disais que toi, donc, t'es basé là-bas, c'est ça? Ouais, moi, je suis basé à l'université d'Édimbourg maintenant, ouais. Mais d'accord. Depuis un an seulement, puisque avant, j'écrivais des romans et des essais, mais un peu en indépendant. Et comme quoi, ça paye parfois d'être indépendant et d'avoir des valeurs, parce que bon, même si ça a été très long. À 43 ans, une université anglaise s'est aperçue que je faisais des choses et ils m'ont demandé de venir. Ouais. Et puis bon, Édimbourg, c'est pas la pire ville, hein. Ouais, et puis il y a Rockstar, Édimbourg, tu peux. Oui, c'est vrai. C'est là qu'ils font GTA. Ah ah, bon bah voilà, ouais. Comme ça, je vais m'intéresser. C'est cool. Et du coup, tu disais, parce que par rapport au début, tu joues pas beaucoup, mais du coup, c'est ton ami qui t'a conseillé ce jeu-là, ou c'est toi qu'on a entendu parler et qui a voulu le jouer avec ton ami? Non, en fait, la conférence, il y avait donc une conférence organisée à Newcastle, et comme j'ai écrit un essai sur. Ça s'appelle L'art d'être libre au temps des automates. C'est un peu un essai de philosophie du digital, etc. Ils m'ont demandé d'intervenir. Et donc là, je me suis dit, bah tiens, je vais parler d'un jeu vidéo. Et en fait, c'est une bonne question, parce que je ne sais pas comment je suis tombé sur Life is Strange, mais tout de suite, le titre m'a accroché. Et ça, c'était en janvier, donc je ne savais pas forcément que ça allait devenir un tel phénomène. Donc voilà, je suis content, c'était un beau pari. Ah, c'est vrai, heureux hasard. Exactement. Super. Et n'hésite pas à envoyer. Et pareil, si la nouvelle dont tu parles, tu l'as quelque part en digital ou quoi que ce soit, envoie, et voilà. Ah, le roman Paradise? Ouais. Ah, bah avec plaisir, ouais. Si ça peut vous donner des idées. C'est super intéressant à voir. Ouais. Et puis, du coup, comme tu rappelais tout à l'heure. On a Alain quand même qui est là, et c'est le genre d'article qui peut lui plaire. Donc, Exactement. Donc, let's keep in touch, tous mes voeux de succès l'épisode 5. Merci pour ton temps. Bonne journée. Merci. Ciao. Bon courage pour l'écriture. Merci. Ciao.